Chapitre 7e. Comme une possédée, Mireille court à la gendarmerie à la sortie du village et tambourine à la porte. C'est Boissier qui entrebâille lui. Il est de garde ce soir. C'est un homme long et mince comme un sifflet. Un vrai Stockfish. Son long nez fait penser à Croquignole des pieds nickelés. Pas de pantalon à sa taille dans les uniformes. Celui qu'il porte est du type inondation. Il laisse voir les chaussettes au-dessus des godillots. Aïe, fait-il. J'étais sûr que tu viendrais. Entre et ne fais pas de bruit. Tu en as assez fait comme ça. Le logement du chef est juste au-dessus. S'il apprend que je t'ai fait entrer, il me colle un blâme. Boissier et Mireille sont de vieux amis d'enfance. Ils ont fait les 400 coups ensemble, et d'une certaine façon, Mireille est un peu une petite sœur pour Boissier, qui lui voue tendresse et admiration. Le gendarme la contemple. Ses cheveux bruns coupés à la garçonne encadrent un visage plein aux traits réguliers. Ses grands yeux noisettes, bordés de longs cils arqués, lui donnent un regard chaud et engageant. En outre, ses lèvres charnues et bien ourlées promettent des trésors sensuels que renforce le feu de son regard. Sa poitrine opulente et fière guide le regard. Elle est grande, bien bâtie, un peu enveloppée, mais avec la taille fine, vraiment tout ce qu'il faut pour plaire. Cette belle femme de 35 ans, dans toute sa plénitude, donne l'impression de vivre par tous les pores de la peau. Qu'est-ce qu'il attend cet imbécile de Brossard? Paradoxe, elle a un physique d'amoureuse ardente et une morale de religieuse. Avec elle, il n'y a jamais rien eu à faire. Ce n'est pas une femme facile. « Où il est? Dis-le-moi » demande-t-elle. « Là, dans la cellule, » dit Boissier en montrant le fond de la pièce. « Laisse-moi le voir. Tu sais bien qu'il est innocent, encore une fois. Tu sais que normalement, je n'ai pas le droit de le faire. Mais pour toi, c'est différent, » dit-il à voix basse. « Viens, et ne fais pas de bruit. » Dans le fond du bureau, une porte en fer s'ouvre dans le mur. Boissier tourne le commutateur en faïence, placé à l'extérieur, sécurité oblige. Il ouvre la porte. Une ampoule blafarde éclaire chichement la cellule. Brossard est couché sur une paillasse, le corps tourné vers le mur. À l'ouverture de la porte, il n'a pas bougé d'un poil. Mireille lui effleure la joue. « Adrien, c'est moi, dis-moi quelque chose. » Brossard se retourne. Son visage est ravagé par la peine et l'angoisse. Sans rien dire, il s'assoit au bord de la couche, la tête baissée. Boissier lui passe prestement les menottes pour l'attacher au cadre du lit. « Dis, tu ne vas pas l'attacher, non? Où veux-tu qu'il aille, couille hostie ?»« C'était pour notre sécurité à tous. »« C'est de trinquer que tu as peur. T'inquiète, j'en fais mon affaire de lui. »« Bon, ça va. Je ne vais pas vous attacher. Ne faites pas de bruit avec Mireille. Je laisse la porte ouverte. » Brossard remarque que devant Mireille, Boissier n'a pas osé le tutoyer. Le lien social est redevenu soudain normal. Le gendarme se retire dans le bureau et garde la porte qui communique avec l'étage au cas où. Brossard laisse aller sa tête sur le ventre de Mireille et en serre ses jambes. Il pleure doucement. « Tu es venu. J'en peux plus, Mireille, j'en peux plus. »« Allez, mon grand, tu en as vu d'autres tout de même. »« Oui, mais cette fois-ci, c'est la faute de trop. J'abandonne, » dit-il à voix basse. « Et moi, dis, qu'est-ce que je deviens? Tu y as pensé, à moi? Des années, je t'ai attendu. » « Mais tu t'en fous, tu n'as jamais rien compris, dis !» Elle crie, tout en obligeant sa voix à murmurer et serre la tête d'Adrien contre elle. « Je t'en prie, Adrien, si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour moi. Tu n'as pas le droit d'abandonner, on va y arriver, tu verras. »« Tu as raison, Mireille, tu es quelqu'un de bien, toi. Finalement, je n'ai que toi. »« Et moi aussi, je n'ai que toi, grand couillon. Et moi, je t'aime. Tu entends, je t'aime. » Ça y est, le grand mot est lâché. Adrien relève la tête, un léger sourire sur les lèvres. « Enfin, tu me l'as dit, » murmure-t-il. Boissier passe la tête dans la cellule. « Ça y est, Mireille, il faudrait que tu partes maintenant. Allez, viens !» Avant de partir, il touche l'épaule d'Adrien par sympathie et ferme la porte. Mireille se plante devant Boissier. « Avant que je parte, tu vas m'en dire un peu plus. Pourquoi vous l'avez arrêté ?» En quelques mots, Boissier raconte l'affaire et les soupçons que le juge fait peser sur Adrien. « Mais dis-moi, Charles, c'est la profession qui les rend tous cons, les juges? Tu crois qu'Adrien serait venu vous prévenir s'il était coupable, pour se mettre dans la gueule du loup? Il se doutait peut-être qu'on le verrait sortir du bois, alors comment sortir en innocent et non pas en coupable, en venant justement dénoncer le crime à la gendarmerie? C'est vieux comme le monde. Non, ça ne tient pas debout, Adrien. » Il est un peu coincé du côté de la chose, si tu vois ce que je veux dire. Depuis 20 ans, je le connais. Ben justement, un beau jour, ça se décoince ces choses-là, et avec n'importe qui. Abruti. Mais au moment du meurtre, il était chez lui, je lui ai porté le pain à midi, et il avait une casserole de riz sur le feu. Il l'avait peut-être tué avant, qui sait? Écoute, de toute façon, tu viendras témoigner demain matin, et on verra bien. Ne t'inquiète pas, je te tiendrai au courant. Rentre chez toi, et sors discrètement. Dans sa cellule, Adrien voit luire une lueur d'espoir au milieu des ténèbres. C'est bon de se sentir aimé. Il savait que Mireille avait pour lui de l'affection, depuis le temps mais recroquevillé dans ses souffrances de jeunesse. Son divorce, sa condamnation, il n'avait pas compris qu'elle l'aimait réellement. Ce que les hommes sont balourds, quelquefois. Est-ce qu'il l'aime, lui? Certes, il éprouve pour elle une tendre affection. Il vient de trouver un port, avec un bateau à quai, prêt à partir pour un beau voyage. Et puis, Mireille est belle, elle a beaucoup de qualités. Il faudrait être fou ou complètement idiot pour refuser ce cadeau royal. C'est une dernière chance à saisir. Allez, Gary, bats-toi. Tu as maintenant un but. Vendredi matin, 2 juillet. Les jours se suivent et se ressemblent, malheureusement. Ce matin, Jeannot, l'ouvrier municipal, m'a cherché du matériel de la remise sous le logement de l'institutrice. Il pousse la porte d'entrée pour pénétrer dans la remise par la porte du couloir. Au bas de l'escalier, j'ai le corps sans vie de Marceline Kunz. Sa tête fait un angle bizarre avec ses épaules. Jeannot remarque qu'une des pantoufles est restée en haut de l'escalier au bord d'une marche. Dans la chute, la jupe de Madame Kunz s'est relevée haut sur les cuisses. Elle laisse voir des jambes musclées, au galbe parfait, terminées par de très jolis pieds. Le corps répand déjà une odeur douceâtre que Jeannot a souvent sentie dans les tranchées. « La pauvre, pense-t-il, elle a dû s'embroncher et dévaler l'escalier. J'avais pas remarqué qu'elle était aussi belle. » Par décence et respect pour la morte, il descend la jupe sur les jambes. Il referme la porte et va prévenir le docteur Pécoul 3 maisons plus loin. Il laisse le médecin se préparer et va prévenir le maire aussi vite que ne lui permettent ses petites jambes torses. « Fracture des vertèbres cervicales, » constate le docteur. « Même si on l'avait découverte avant, ça n'aurait rien changé. La mort doit remonter à plus de 24 heures. Mercredi soir peut-être, ou jeudi dans la nuit. » Il faut quand même prévenir les gendarmes. Chacun contemple ce beau visage dont les yeux grands ouverts semblent regarder le ciel. Le médecin lui ferme les paupières. « Elle n'a pas eu de chance, » dit le maire. « Elle a rejoint son mari et son fils. Elle n'a plus de famille. » La mairie va prendre en charge les obsèques. Les gendarmes arrivent peu après en la personne de Trinquet et Ménard. Ils ne peuvent que déplorer le décès de cette femme jolie et aimée de tous dans le village. « J'espère que c'est un accident, docteur ?» demande Trinquet, un peu inquiet. « Oui, à première vue, avec la chute qu'elle a faite, les vertèbres cervicales se sont brisées. Regardez l'angle du cou. »« Ouais, ça ne fait pas nos affaires, tout ça, » grommelle Trinquet. « Bon, Ménard, en quête de routine, interroge le voisinage pour savoir si quelqu'un a vu ou entendu quelque chose. » Dès la première heure, ce vendredi, Mireille est à la gendarmerie. Par annonce tambourinée du garde champêtre, l'appel à témoins circule. Sans faire de commentaires, le chef prend la déposition de Mireille. Elle lui répète ce qu'elle a dit à Boissy la veille. Peu après, la veuve Chassagne se présente, envoyée par Mireille. « J'ai vu Adrien Brossard sortir du bois comme un fou en criant « À l'aide, à l'aide !»« J'ai eu peur qu'il aille s'esprofonder. »« Bon, » répond Trinquet, « mais est-ce que vous l'avez vu entrer dans le bois ?»« Ouais, il y est entré. C'est sûr, puisqu'il en est sorti. » J'étais assise près du moulin. Oui, ça je sais qu'il y est entré, c'est évident. Mais quelle heure était-il quand il a pénétré dans le bois? Boudiou, je sais pas l'heure qu'il était, j'ai pas de montre. C'était avant qu'il en sorte, forcément. Vous savez, moi je tricote, alors des fois, je ne vois pas tout. Bon, on n'est pas plus avancé. Quelques instants plus tard, Pepe Fanello, le collègue d'Adrien, se présente. Il pétrit sa casquette tout en parlant avec son accent du Piémont. On a travaillé ensemble jusqu'à 11 heures à peu près. Pourquoi? Il commence à faire trop chaud. On est revenu au village et on s'est quitté pour aller manger. L'après-midi, il n'est pas venu. Pour redescendre la coupe, vous êtes passé par le bois? Questionne Trinquier. Si, mais il n'y avait rien dans le bois, sinon l'aurez-vous? Oui, ça, c'est toi qui le dis qu'il n'y avait rien. Alors je suis un menteur. C'est ça, dit O'Carney. Si j'avais sous, je ne serais pas venu témoigner. Bon, ne t'énerve pas, Fanello. Quelle heure il devait être quand vous avez traversé le bois? Oh, 11 heures et demie, pas plus tard. Est-ce que Brossard aurait eu le temps de revenir dans le bois avant midi? Oui, bien sûr, mais je l'ai vu entrer dans sa maison. C'est midi et l'enquête n'a pas avancé d'un pouce. Trinquier fait son rapport au juge par téléphone. Cuisinez-moi Brossard, nom de nom, ne le lâchez pas, ordonne le juge. L'après-midi, l'interrogatoire d'Adrien reprend. Il est un peu rasséréné depuis la visite de Mireille, la veille. Pas question qu'il flanche. Il pense à elle, à ses yeux, à ses seins, son sourire et à tout le reste. Toujours les mêmes questions, toujours les mêmes réponses. Plus Trinquier essaye de faire sortir Adrien de ses gonds, plus Adrien se montre calme et inébranlable. Et ça, Trinquier, ça l'énerve. Il décide de pousser le bouchon un peu plus loin. On ne te connaît pas de fréquentation depuis que tu es revenu, à part Mireille, mais chacun connaît vos relations platoniques depuis le temps. Alors tout à coup, une envie de chair fraîche te prend. Oh, tu ne veux pas lui faire de mal à la petite Camille, tu veux juste t'amuser avec elle. Seulement voilà, elle ne se laisse pas faire. Tu la chasses un peu, et pan, elle tombe sur la tête. Trop tard, tu restes comme un couillon et tu réfléchis. Tu arranges le corps et tu attends qu'il n'y ait personne à l'horizon. Alors tu sors du bois comme un possédé et tu viens nous chercher. Non, je suis entré dans le bois et je suis ressorti presque tout de suite, comme je vous l'ai déjà dit, répond posément Adrien. Ménard entre dans le bureau et vient rendre compte des premières déclarations concernant la mort de Marceline Kuntz. Sa voisine d'en face va venir témoigner. Le soir ou la nuit de la mort, elle n'a rien remarqué de particulier, mais comme elle dit, elle n'est pas toujours derrière ses persiennes à espincher. Alors ce n'est pas la peine qu'elle vienne témoigner si elle n'a rien vu, s'exclame le chef. Attendez! Ces derniers temps, elle a aperçu trois ou quatre fois un homme jeune qui rendait visite à Madame Kuntz. « Bon, note tout, » dit Trinquier. En comprenant la mort de l'institutrice, Brossard pense que décidément, à Lambesque, l'école ne porte pas bonheur. Boissy entre dans le bureau et va parler à l'oreille de Trinquier. Celui-ci avance les lèvres dans une moue de doute et de surprise. « Reconduis-le en cellule, » dit-il en désignant Brossard, « et fais entrer, » ordonne-t-il à Boissier.